Vous écoutez Futur Simple à l'antenne de CKRL 89,1 et nous poursuivons l'émission sur le thème de la vinification. C'est l'ensemble des opérations qui permettent de transformer le moût de raisin en vin. Si certaines de ces opérations sont nécessaires, comme par exemple la fermentation alcoolique, d'autres opérations permettent d'affiner le produit du vin, que ce soit au niveau aromatique ou olfactif ou au niveau gustatif. De plus, certaines opérations varient selon le type de vin produit, qu'il s'agisse de vin rouge, blanc ou de vin rosé, et même de vin effervescent. Alors, notre chroniqueuse Geneviève Gay est ici pour nous parler plus en détail de la vinification. Bonjour Geneviève. Bonjour François. Comme tu l'as mentionné, les opérations de vinification varient selon le type de vin produit, mais certains processus sont communs à tous les types de vins. Comme vous allez le constater, c'est un vocabulaire très joli qui permet de décrire ces étapes. Oui, c'est un fait, ça. D'abord, afin d'avoir un vin de qualité, il faut s'assurer de la qualité de la vendange, c'est-à-dire des raisins. Ils doivent être au stade optimal de leur maturité et être parfaitement sains, ça va de soi. Ensuite, on débute les opérations de pré-fermentation. Les raisins sont récoltés et sont transportés au chai. OK. Alors, le chai, en fait, c'est l'endroit où le vin est fabriqué et entreposé, j'imagine? Oui, c'est ça. Puis le chai se situe au niveau du sol et même sous terre, une question de pression atmosphérique, là. Donc, une fois acheminé au chai, les raisins sont déposés dans une cuve en forme d'entonnoir qu'on appelle le conquet. Cette étape doit être faite en douceur parce que les grappes doivent demeurer entières. Les raisins ne doivent pas être écrasés non plus. Sinon, les raisins pourraient s'oxyder ou encore débuter leur macération, j'imagine. Oui, voilà. Puis ça serait prématuré à ce stade-ci. La qualité du vin en souffrirait au bout du compte. Donc. Ensuite, les grains de raisin vont être séparés des rafles. Ça, c'est la charpente végétale qui soutient les grains. Okay. Il s'agit de l'éraflage. C'est une étape non essentielle à la vinification, mais les vinificateurs soucieux de fabriquer des vins de qualité le font sans hésiter, car si on laisse les raisins macérer sur leur rafle, souvent les vins produits vont être de moindre qualité gustative, de faible couleur, contiennent plus d'eau, donc moins d'alcool. Et je pense que ça contient aussi beaucoup de tannins, les rafles. De tannins, ça affecte les qualités gustatives, justement. Ouais. Donc, vient ensuite l'étape du foulage, qu'on fait doucement éclater les raisins afin d'extraire le jus. Pendant cette opération, les raisins s'aèrent et s'homogénéisent. Les levures sont présentes naturellement dans les raisins, vont se développer. Le résultat s'appelle le mou. On y trouve le jus, la peau, la pulpe et les pépins. C'est cette étape qui se pratiquait pieds nus autrefois, non? Oui, c'est ça. Certaines régions... ça se fait encore comme en Bourgogne. C'est souvent une curiosité. Là. Okay. Les producteurs artisanaux aussi ont recours pour certains produits là, d'appellation contrôlée. Il existe aujourd'hui de l'équipement spécialisé pour faire ça, que ce soit mécanisé ou non. Ça, c'est pour assurer finalement une certaine uniformité de l'opération. Mm-hmm. Ensuite, vient l'étape du pressurage. C'est cette étape-là qu'on différencie le plus souvent l'élaboration du vin blanc et du vin rouge. Puis, on va voir plus loin aussi que la macération est une étape distinctive, là, mais pour le pressurage, il s'agit d'extraire le jus des grappes par pression. Pour ça, on utilise un pressoir à vin. Pour un vin rouge, le pressurage vient après sa fermentation, alors que pour le vin blanc, il vient avant. Donc, vient ensuite l'étape du sulfitage. Tous les types de vins ont recours à cette opération pré-fermentaire. Ouais, les fameux sulfites, en fait, on les accueille souvent des maux de tête, qu'on ressent le lendemain, où on prend beaucoup de vin, c'est exactement, ça? Mais pourtant, ils font partie de la vinification depuis l'ère des Romains. Ils sont essentiels, je pense. Exactement. Depuis une centaine d'années, les connaissances sur le sujet ont permis d'adapter les doses de sulfites qu'on injecte dans les vins. Aussi, on a remarqué que les quantités de sulfite qu'on ajoute au moût de raisin sont 4 fois moindres qu'il y a 100 ans. Oh, donc c'est déjà une amélioration. Vraiment beaucoup. T'sais, on s'adapte, on fait des expérimentations, on teste, c'est comme ça qu'on en arrive à bien doser. Tous les vinificateurs y ont recours, sauf certains producteurs biologiques que je qualifie de radicaux. En fait, l'addition d'une dose de soufre sous forme d'anhydride sulfureux, le SO2, assure la stabilité microbienne et chimique du vin, en plus d'avoir un effet antioxydant et antibactérien. Les sulfites vont permettre au vin de se conserver. Donc, à ce stade-ci, il importe de savoir que si on laisse le moût de raisin à l'air libre, la fermentation alcoolique ne se produira pas parce que les bactéries acétiques qui sont naturellement présentes vont agir plus vite que les levures et transformeront le moût de raisin en vinaigre. Uh-huh. Oui. J'imagine quand on fait du vinaigre de vin, est-ce que c'est ça qu'on fait? Oui, voilà. Ouais. On laisse fermenter naturellement? L'air intervient, ouais. C'est ça. Okay. Vous avez donc compris que le moût de raisin est naturellement destiné à devenir du vinaigre. et non du vin. Donc, en ajoutant des sulfites, l'homme a modifié le cours naturel des choses et a réussi à créer le vin. C'est Louis Pasteur qui a expliqué le premier le mécanisme biologique de la fermentation alcoolique et le rôle des sulfites du SO2. Donc, le vin se fait par sélection d'un milieu fermentaire qui va être favorable aux levures et défavorable aux bactéries acétiques qui sont plus sensibles à l'action du SO2 que les levures. Donc, grâce aux sulfites, les levures ont le champ libre pour entamer leur travail de transformation des sucres du moût de raisin en alcool. Alors, si je comprends bien, le vin, c'est pas vraiment un produit naturel parce qu'on intervient pour interrompre un processus naturel pour en faire du vin. En milieu, si on limitait l'action du... Parce que, comme je vous disais... Si on laissait tout seul fermenter... Il y a des producteurs qui n'interviennent pas, qui utilisent les sulfites naturellement présents. Mais c'est un truc qui est hasardeux. Puis souvent, ils vont se planter. Mais ça peut donner des résultats. Et ça prend souvent 4 fois plus de temps à produire un vin qui ne se conservera pas. Donc, c'est hasardeux un peu comme entreprise. Donc finalement, pour les sulfites, tout est une question de dosage, la quantité des sulfites ajoutés. Voilà. Les bons vinificateurs vont utiliser un minimum de sulfites parce qu'ils comprennent et maîtrisent le processus de vinification. Les vins de moins de qualité, qui sont élaborés à partir d'assemblages ou de raisins de moins de qualité, souvent vont contenir plus de sulfites parce qu'ils sont moins surveillés durant leur élaboration. Donc, ceux qui décident de ne pas en utiliser du tout, comme je disais tantôt, vont se lancer dans une aventure que les résultats ne seront pas toujours heureux et la qualité du vin produit va être sacrifié, là, c'est quand on n'utilise pas de sulfite. Donc, ça paraît clair. Donc, une fois les sulfites ajoutés, la transformation du moût de raisin en vin peut commencer. Oui, et rendu là, ça relève pratiquement de l'art, car le vinificateur doit tirer le meilleur de ses fruits en mettant les qualités en valeur et en corrigeant les défauts à mesure. Bon, c'est un travail de surveillance puis d'adaptation continue. C'est à ce moment-là que l'on distingue finalement les différentes vinifications qui vont donner soit du vin rouge, du vin blanc, du vin rosé, et même des vins effervescents. Oui, donc on va commencer par le vin rouge, qui commence par la macération. Comme je disais, c'est une étape là, qui permet de distinguer le vin rouge du vin blanc, puis lui, qui ne passe pas par cette étape. Donc, le moût de raisin va être fermenté en cuve pendant de 4 à 10 jours, permettant au sucre de se transformer en alcool. Une fois que tous les sucres vont être transformés, c'est l'étape de cuvaison qui débute. C'est le marc. Le marc, c'est la masse compacte qui contient tous les résidus du vin puis qu'on remarque en surface du jus, bon, qui va donner les tanins et la couleur au vin, le caractère au vin, finalement. Donc, on prélève le jus, on le verse, on le verse sur le marc pour qu'il s'enrichisse au contact du marc. C'est le liquide là, qu'on transvide et qu'on ramène constamment pour qu'il rentre en contact avec le marc. Donc, la cuvaison dure de 1 à 4 semaines au jugement du vinificateur. Ensuite, c'est l'écoulage. Donc, on fait égoutter la partie liquide de la cuve par le robinet du bas. C'est le vin de goutte ou le vin noble. Et le vin de presse, lui, est obtenu par pressurage du marc. Ce vin sera très riche en tanins, en couleur et en alcool. Ensuite, c'est des opérations d'assemblage, d'élevage, de conservation. On peut décider d'ajouter un peu de vin de presse au vin de goutte pour lui ajouter du caractère ou de la longévité. Le vin va ensuite vieillir en fût pendant 18 mois, mais souvent moins, sous surveillance constante. Tous les 3 mois, on va soutirer le vin. C'est le soutirage. À ce moment-là, ça consiste à séparer les dépôts qui peuvent subsister. Puis il va être ensuite clarifié par collage avec une substance protéinée telle que le blanc d'œuf. Ça m'a quand même surpris quand j'ai lu ça. Il va être filtré avant d'être mis en bouteille. Alors, peux-tu nous parler rapidement des différences qui existent entre la vinification de vin blanc puis du vin rosé? Oui, mais rapidement, le vin blanc ne comporte, lui, comme je disais tantôt, aucune macération. Donc, il peut être élaboré à partir de raisins rouges qui vont être directement pressés. Tous les résidus ne resteront pas. On va directement presser, on va récolter seulement le jus. Mais on utilise surtout des raisins blancs qui sont foulés. Comme je parlais tantôt, le foulage, qui est d'extraire le jus doucement, avant d'être pressé. Puis, on saute l'étape de macération, ils vont être mis directement en cuve. Donc, le jus du raisin est toujours blanc, que le raisin soit rouge ou blanc. On ne procède pas à l'étape de macération parce qu'on ne laisse pas les résidus. C'est la macération qui donne la couleur au vin. Exactement. Okay, et les tanins qui ne sont pas présents chez les vins blancs. Donc, sauf pour les vins rosés, dans le cas de certains champagnes rosés, les vins rosés, contrairement à ce qu'on pense souvent, ne sont pas issus d'un mélange entre le vin rouge et le vin blanc. C'est vrai. Oui, c'est ça. Les raisins rouges peuvent être traités comme des raisins blancs, en saignant le jus qui revient à écourter l'étape de macération. On va prendre les raisins rouges, on va simplement extraire le jus, ça va donner une teinte rosée, mais beaucoup moins forte que si le jus avait macéré. Longtemps. Exactement. Donc, on le macère On écourte l'étape de macération. D'accord. Ça va donner des vins rosés. Donc. Alors, c'est déjà la fin de la chronique, Geneviève. Alors, tu vas revenir nous parler des vins effervescents éventuellement? Oui, dans deux semaines, ça va me faire plaisir parce que la méthode champenoise, la fabrication des vins effervescents, c'est une méthode particulière qui mérite à elle seule une chronique. Alors, merci beaucoup, Geneviève. On va boire un verre à ta santé. Et on passe en pause publicitaire sur CKRL au 89,1.